Section 22 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre 6e. Suite. Sir George Cockburn, auteur de ces règlements sévères, fut remplacé par Sir Hudson Lowe. Alors commencèrent les pointilleries dont tous les mémoires nous ont entretenus. Si l'on en croyait ces mémoires, le nouveau gouverneur aurait été de la famille des énormes araignées de Sainte-Hélène et le reptile de ces bois où le serpent sont inconnus. L'Angleterre manqua d'élévation, Napoléon de dignité. Pour mettre un terme à ces exigences d'étiquette, Bonaparte semblait quelquefois décidé à se voiler sous un pseudonyme comme un monarque en pays étranger. Il eut l'idée touchante de prendre le nom d'un de ses aides-de-camp tués à la bataille d'Arcole. La France, l'Autriche et la Russie désignèrent des commissaires à la résidence de Sainte-Hélène. Le captif était accoutumé à recevoir les ambassadeurs des deux dernières puissances. La légitimité qui n'avait pas reconnu Napoléon empereur aurait agi plus noblement en ne reconnaissant pas Napoléon prisonnier. Une grande maison de bois construite à Londres fut envoyée à Sainte-Hélène. Mais Napoléon ne se trouva plus assez bien portant pour l'habiter. Sa vie à Longwood était ainsi réglée. Il se levait à des heures incertaines. M. Marchand, son valet de chambre, lui faisait la lecture lorsqu'il était au lit. Quand il s'était levé matin, il dictait aux généraux Montholon et Courgaud et aux fils de M. de Las Cases. Il déjeunait à 10 heures, se promenait à cheval ou en voiture jusque vers les 3 heures, rentrait à 6 et se couchait à 11. Il affectait de s'habiller comme il est peint dans le portrait d'Isabey. Le matin, il s'enveloppait d'un cafetan et entortillait sa tête d'un mouchoir des Indes. Sainte-Hélène est située entre les deux pôles. Les navigateurs qui passent d'un lieu à l'autre saluent cette première station où la terre délasse les regards fatigués du spectacle de l'océan et offre des fruits et la fraîcheur de l'eau douce à des bouches échauffées par le sel. La présence de Bonaparte avait changé cette île de promission en un roc pestiféré. Les vaisseaux étrangers n'y abordaient plus. Aussitôt qu'on les signalait à 20 lieues de distance, une croisière les allait reconnaître et leur enjoignait de passer au large. On admettait en relâche, à moins d'une tourmente, que les seuls navires de la marine britannique. Quelques-uns des voyageurs anglais qui venaient d'admirer ou qui allaient voir les merveilles du Gange visitaient sur leur chemin une autre merveille. L'Inde, accoutumée aux conquérants, en avait un enchaîné à ses portes. Napoléon admettait ses visites avec peine. Il consentit à recevoir Lord Amherst à son retour de son ambassade de la Chine. L'amiral Sir Pulteney Malcolm lui plut. « Votre gouvernement, lui dit-il un jour, a-t-il l'intention de me retenir sur ce rocher jusqu'à ma mort ?» L'amiral répondit qu'il le craignait. « Alors ma mort arrivera bientôt. » « J'espère que non, monsieur. Vous vivrez assez de temps pour écrire vos grandes actions. Elles sont si nombreuses que cette tâche vous assure une longue vie. » Napoléon ne se choqua point de cette simple appellation « monsieur ». Il se reconnut en ce moment par sa véritable grandeur. Heureusement pour lui, il n'a point écrit sa vie. Il l'eût rapetissé. Les hommes de cette nature doivent laisser leur mémoire à raconter par cette voix inconnue qui n'appartient à personne et qui sort des peuples et des siècles. À nous seuls, vulgaires, il est permis de parler de nous parce que personne n'en parlerait. Le capitaine Basil Hall se présenta à Longwood. Bonaparte se souvint d'avoir vu le père du capitaine à Brienne. « Votre père, dit-il, était le premier Anglais que j'eusse jamais vu. C'est pourquoi j'en ai gardé le souvenir toute ma vie. » Il s'entretint avec le capitaine de la récente découverte de l'île de Loutchou. « Les habitants n'ont point d'armes, dit le capitaine. »« Point d'armes ? » s'écria Bonaparte. « Ni canons, ni fusils. Des lances, au moins. Des arcs et des flèches. Rien de tout cela. Ni poignards, ni poignards. Mais comment se bat-on ? Ils ignorent tout ce qui se passe dans le monde. Ils ne savent pas que la France et l'Angleterre existent. Ils n'ont jamais entendu parler de votre majesté. » Bonaparte sourit d'une manière qui frappa le capitaine. Plus le visage est sérieux, plus le sourire est beau. Ces différents voyageurs remarquèrent qu'aucune trace de couleur ne paraissait sur le visage de Bonaparte. Sa tête ressemblait à un buste de marbre dont la blancheur était légèrement jaunie par le temps. Rien de sillonné sur son front, ni de creusé dans ses joues, son âme semblait sereine. Ce calme apparent fit croire que la flamme de son génie s'était envolée. Il parlait avec lenteur, son expression était affectueuse et presque tendre. Quelquefois, il lançait des regards éblouissants, mais cet état passait vite. Ses yeux se voilaient et devenaient tristes. Ah, sur ces rivages avaient jadis comparu d'autres voyageurs connus de Napoléon. Après l'explosion de la machine infernale, un Senatus consulte du 4 janvier 1801 prononça sans jugement, par simple mesure de police, l'exil outre-mer de 130 républicains. Embarqués sur la frégate, la Chiffonne, et sur la corvette, la Flèche, ils furent conduits aux îles Seychelles et dispersés peu après dans l'archipel des Comores, entre l'Afrique et Madagascar. Ils y moururent presque tous. Deux des déportés, Lefranc et Saunois, parvenus à se sauver sur un vaisseau américain, touchèrent en 1803 à Sainte-Hélène. C'était là que, 12 ans plus tard, la Providence devait enfermer leur grand oppresseur. Le trop fameux général Rossignol, leur compagnon d'infortune, un quart d'heure avant son dernier soupir, s'écria « Je meurs accablé des plus horribles douleurs, mais je mourrai content si je pouvais apprendre que le tyran de ma patrie endura les mêmes souffrances. » Ainsi, jusque dans l'autre hémisphère, les imprécations de la liberté attendaient celui qui l'a trahi. L'Italie, arrachée à son long sommeil par Napoléon, tourna les yeux vers l'illustre enfant qu'il a voulu rendre à sa gloire et avec lequel elle était retombée sous le joug. Les fils des muses les plus nobles et les plus reconnaissants des hommes, quand ils n'en sont plus les plus vils et les plus ingrats, regardaient Sainte-Hélène. Le dernier poète de la patrie de Virgile chantait le dernier guerrier de la patrie de César. « Tutto ei provo la gloria maggior dopo il periglio, la fuga e la vittoria, la regia e il treste e siglio, due volte nella polvere, due volte sugli altar. Ei si nomo, due si colli, l'un contro l'altro armato, sommessi a lui si volsero, come aspettanto il fatto, ei fei silenzio ed arbitro, s'assise in mezzo alors. Il éprouva tout, dit Manzoni, la gloire plus grande après le péril, la fuite et la victoire, la royauté et le triste exil, deux fois dans la poudre, deux fois sur l'autel. Il se nomma, deux siècles l'un contre l'autre armés se tournèrent vers lui, comme en attendant leur sort, il fit silence et s'assit, arbitre, entre eux. Bonaparte approchait de sa fin. Rongé d'une plaie intérieure, envenimée par le chagrin, il avait porté cette plaie au sein de la prospérité. C'était le seul héritage qu'il eût reçu de son père. Le reste lui venait des munificences de Dieu. Déjà, il comptait 6 années d'exil. Il lui avait fallu moins de temps pour conquérir l'Europe. Il restait presque toujours renfermé et lisait Ossian de la traduction italienne de Cesarotti. Tout l'attristait, sous un ciel où la vie semblait plus courte, le soleil restant 3 jours de moins dans cet hémisphère que dans le nôtre. Quand Bonaparte sortait, il parcourait des sentiers scabreux que bordaient des aloès et des genêts odoriférants. Il se promenait parmi les gommiers à fleurs rares que les vents généraux faisaient pencher du même côté, où il se cachait dans les gros nuages qui roulaient à terre. On le voyait assis sur les bases du pic de Diane, du Flagstaff, du Leader Hill, contemplant la mer par les brèches des montagnes. Devant lui se déroulait cet océan qui, d'une part, baigne les côtes de l'Afrique, de l'autre, les rives américaines, et qui va, comme un fleuve sans bord, se perdre dans les mers australes. Point de terre civilisée plus voisine que le cap des tempêtes, qui dira les pensées de ce Prométhée déchiré vivant par la mort, lorsque, la main appuyée sur sa poitrine douloureuse, il promenait ses regards sur les flots. Le Christ fut transporté au sommet d'une montagne d'où il aperçut les royaumes du monde. Mais pour le Christ, il était écrit au séducteur de l'homme « Tu ne tenteras point le Fils de Dieu ». Bonaparte, oubliant une pensée de lui que j'ai citée, « Ne m'étant pas donné la vie, je ne me l'ôterai pas », parlait de se tuer. Il ne se souvenait plus aussi de son ordre du jour à propos du suicide d'un de ses soldats. Il espérait assez dans l'attachement de ses compagnons de captivité pour croire qu'il consentirait à s'étouffer avec lui à la vapeur d'un brasier. L'illusion était grande. Tels sont les enivrements d'une longue domination. Mais il ne faut considérer dans les impatiences de Napoléon que le degré de souffrance auquel il était parvenu. M. de Las Cases, ayant écrit à Lucien sur un morceau de soie blanche, en contravention avec les règlements, reçut l'ordre de quitter Sainte-Hélène. Son absence augmenta le vide autour du banni. Le 18 mai 1817, Lord Holland, dans la Chambre des pairs, fit une proposition au sujet des plaintes transmises en Angleterre par le général Montholon. « La postérité n'examinera pas, dit-il, si Napoléon a été justement puni de ses crimes, mais si l'Angleterre a montré la générosité qui convenait à une grande nation. » Lord Bathurst combattit la motion. Le cardinal Fesch dépêcha d'Italie deux prêtres à son neveu. La princesse Borghèse sollicitait la faveur de rejoindre son frère. « Non, dit Napoléon, je ne veux pas qu'elle soit témoin de mon humiliation et des insultes auxquelles je suis exposé. Cette sœur aimée, Germana Jovis, ne traversa pas les mers, elle mourut au lieu où Napoléon avait laissé sa renommée. » Des projets d'enlèvement se formèrent. Un colonel Latapie, à la tête d'une bande d'aventuriers américains, méditait une descente à Sainte-Hélène. Johnston, hardi contrebandier, prétendit dérober Bonaparte au moyen d'un bateau sous-marin. Le jeune lord entrait dans ses projets. On conspirait pour rompre les chaînes de l'oppresseur. On aurait laissé périr dans les fers, sans y penser, le libérateur du genre humain. Bonaparte espérait sa délivrance des mouvements politiques de l'Europe. S'il eût vécu jusqu'en 1830, peut-être nous serait-il revenu. Mais qu'eût-il fait parmi nous ? Il lui semblait caduque et arriéré au milieu des idées nouvelles. Jadis, sa tyrannie paraissait liberté à notre servitude. Maintenant, sa grandeur paraîtrait despotisme à notre petitesse. À l'époque actuelle, tout est décrépit dans un jour. Qui vit trop meurt vivant. En avançant dans la vie, nous laissons trois ou quatre images de nous, différentes les unes des autres. Nous les revoyons ensuite dans la vapeur du passé comme des portraits de nos différents âges. Bonaparte, affaibli, ne s'occupait plus que comme un enfant. Il s'amusait à creuser dans son jardin un petit bassin, il y mit quelques poissons. Le mastic du bassin se trouvant mêlé de cuivre, les poissons moururent. Bonaparte dit « Tout ce qui m'attache est frappé ». Vers la fin de février 1821, Napoléon fut obligé de se coucher et ne se leva plus. « Suis-je assez tombé ? » murmurait-il. « Je remets le monde et je ne puis soulever ma paupière. » Il ne croyait pas à la médecine et s'opposait à une consultation d'Antomarchi avec des médecins de Jamestown. Il admit cependant à son lit de mort le docteur Arnold. Du 13 au 27 avril, il dicta son testament. Le 28, il ordonna d'envoyer son cœur à Marie-Louise. Il défendit à tout chirurgien anglais de porter la main sur lui après son décès. Persuadé qu'il succombait à la maladie dont avait été atteint son père, il recommanda de faire passer au duc de Reichstadt le procès-verbal de l'autopsie. Le renseignement paternel est devenu inutile, Napoléon II a rejoint Napoléon Ier. À cette dernière heure, le sentiment religieux dont Bonaparte avait toujours été pénétré se réveilla. Thibaudeau, dans ses mémoires sur le consulat, raconte à propos du rétablissement du culte que le premier consul lui avait dit « Dimanche dernier, au milieu du silence de la nature, je me promenais dans ces jardins, la malmaison. Le son de la cloche de ruelle vint tout à coup frapper mon oreille et renouvela toutes les impressions de ma jeunesse. Je fus ému, tant est forte la puissance des premières habitudes, et je me dis, s'il en est ainsi pour moi, quel effet de pareils souvenirs ne doivent-ils produire sur les hommes simples et crédules ? Que vos philosophes répondent à cela ? Et, levant les mains vers le ciel, quel est celui qui a fait tout cela ? En 1797, par sa proclamation de Macerata, Bonaparte autorise le séjour des prêtres français réfugiés dans les états du pape, défend de les inquiéter, ordonne au couvent de les nourrir et leur assigne un traitement en argent. Ces variations en Égypte, ces colères contre l'Église dont il était le restaurateur, montre qu'un instinct de spiritualisme dominait au milieu même de ses égarements, car ses chutes et ses irritations ne sont point d'une nature philosophique et portent l'empreinte du caractère religieux. Bonaparte, donnant à Vignal les détails de la chapelle ardente dont il voulait qu'on environnât sa dépouille, crut s'apercevoir que sa recommandation déplaisait à Antomarchi. Il s'en expliqua avec le docteur et lui dit « Vous êtes au-dessus de ses faiblesses. Mais que voulez-vous ? Je ne suis ni philosophe, ni médecin. Je crois à Dieu. Je suis de la religion de mon père. N'est pas athée. Qui veut ? Pouvez-vous ne pas croire à Dieu ? Car enfin, tout proclame son existence. Et les plus grands génies l'ont cru. Vous êtes médecin. Ces gens-là ne brassent que de la matière. Ils ne croient jamais rien. Forte tête du jour, quittez votre admiration pour Napoléon. Vous n'avez rien à faire de ce pauvre homme. Ne se figurait-il pas qu'une comète était venue le chercher, comme jadis elle emporta César ? De plus, il croyait à Dieu. Il était de la religion de son père. Il n'était pas philosophe, il n'était pas athée. Il n'avait pas, comme vous, livré de bataille à l'Éternel, bien qu'il eût vaincu bon nombre de rois. Il trouvait que tout proclamait l'existence de l'être suprême. Il déclarait que les plus grands génies avaient cru à cette existence, et il voulait croire comme ses pères. Enfin, chose monstrueuse, ce premier homme des temps modernes, cet homme de tous les siècles, était chrétien dans le XIXe siècle. Son testament commence par cet article. « Je meurs dans la religion apostolique romaine, dans le sein de laquelle je suis né il y a plus de 50 ans. » Au troisième paragraphe du testament de Louis XVI, on lit « Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine. » La Révolution nous a donné bien des enseignements. Mais en est-il un seul comparable à celui-ci ? Napoléon et Louis XVI faisant la même profession de foi, voulez-vous savoir le prix de la croix ? Cherchez dans le monde entier ce qui convient le mieux à la vertu malheureuse ou à l'homme de génie mourant. Le 3 mai, Napoléon se fit administrer l'extrême-onction et reçut le Saint Viatique. Le silence de la chambre n'était interrompu que par le hoquet de la mort mêlé au bruit régulier du balancier d'une pendule. L'ombre, avant de s'arrêter sur le cadran, fit encore quelques tours. L'astre qui la dessinait avait de la peine à s'éteindre. Le 4, la tempête de l'agonie de Cromwell s'éleva. Presque tous les arbres de Longwood furent déracinés. Enfin, le 5 à 6h-11 du soir, au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Les derniers mots saisis sur les lèvres du conquérant furent « tête, armée » ou « tête d'armée ». Sa pensée errait encore au milieu des combats. Quand il ferma pour jamais les yeux, son épée expirée avec lui était couchée à sa gauche, un crucifix reposait sur sa poitrine. Le symbole pacifique appliqué au cœur de Napoléon calma les palpitations de ce cœur comme un rayon du ciel fait tomber la vague. Bonaparte désira d'abord être enseveli dans la cathédrale d'Ajaccio, puis, par un codicille daté du 16 avril 1821, il légua ses os à la France. Le ciel l'avait mieux servi, son véritable mausolée et le rocher où il expira. Revoyez mon récit de la mort du duc d'Enghien. Napoléon, prévoyant à ses dernières volontés l'opposition du gouvernement britannique, fit choix éventuellement d'une sépulture à Sainte-Hélène. Dans une étroite vallée appelée la vallée de Slaine ou du Géranium, maintenant du tombeau, coule une source. Les domestiques chinois de Napoléon, fidèles comme le javanais de Camoens, avaient accoutumé d'y remplir des amphores. Des saules pleureurs pendent sur la fontaine. Une herbe fraîche, parsemée de champas, croît tout autour. Le champas, malgré son éclat et son parfum, n'est pas une plante qu'on recherche, parce qu'elle fleurit sur les tombeaux, disent les poésies sanscrites. Dans les déclivités des roches déboisées, végètent mal des citronniers amers, des cocotiers porte-noix, des mélèzes et des conises dont on recueille la gomme attachée à la barbe des chèvres. Napoléon se plaisait au saule de la fontaine. Il demandait la paix à la vallée de Slaine, comme Dante banni demandait la paix au cloître de Corvo. En reconnaissance du repos passager qu'il y goûta les derniers jours de sa vie, il indiqua cette vallée pour l'abri de son repos éternel. Il disait, en parlant de la source, « Si Dieu voulait que je me rétablisse, j'élèverais un monument dans le lieu où elle jaillit. » Ce monument fut son tombeau. Du temps de Plutarque, dans un endroit consacré aux nymphes, au bord du Strymon, on voyait encore un siège de pierre sur lequel s'était assis Alexandre. Napoléon, botté et peuronné, habillé en uniforme de colonel de la garde, décoré de la Légion d'honneur, fut exposé mort dans sa couchette de fer. Sur ce visage, qui ne s'étonna jamais, l'âme, en se retirant, avait laissé une stupeur sublime. Les planeurs et les menuisiers soudèrent et clouèrent Bonaparte en une quadruple bière d'acajou, de plomb, d'acajou encore et de fer blanc. On semblait craindre qu'il ne fût jamais assez emprisonné. Le manteau que le vainqueur d'autrefois portait aux vastes funérailles de Marengo servit de drap mortuaire au cercueil. Les obsèques se firent le 28 mai. Le temps était beau, quatre chevaux, conduits par les palefreniers à pied, tiraient le corbillard. 24 grenadiers anglais, sans armes, l'environnaient, suivaient le cheval de Napoléon. La garnison de Lille bordait les précipices du chemin. 3 escadrons de dragons précédaient le cortège. Le 20e régiment d'infanterie, les soldats de marine, les volontaires de Sainte-Hélène, l'artillerie royale avec 15 pièces de canon, fermaient la marche. Des groupes de musiciens placés de distance en distance sur les rochers se renvoyaient des airs lugubres. À un défilé, le corbillard s'arrêta. Les 24 grenadiers sans armes enlevèrent le corps et eurent l'honneur de le porter sur leurs épaules jusqu'à la sépulture. 3 salves d'artillerie saluèrent les restes de Napoléon au moment où il descendit dans la terre. Tout le bruit qu'il avait fait sur cette terre ne pénétrait pas à 2 lignes au-dessous. Une pierre, qui devait être employée à la construction d'une nouvelle maison pour l'exilé, est abaissée sur son cercueil comme la trappe de son dernier cachot. On récita les versets du psaume 87. « J'ai été pauvre et plein de travail dans ma jeunesse. J'ai été élevé, puis humilié. J'ai été percé de vos colères. » De minute en minute, le vaisseau amiral tirait. Cette harmonie de la guerre, perdue dans l'immensité de l'océan, répondait au « requiescat in pace ». L'empereur, enterré par ses vainqueurs de Waterloo, avait tué le dernier coup de canon de cette bataille. Il n'entendit point la dernière détonation dont l'Angleterre troublait et honorait son sommeil à Sainte-Hélène. Chacun se retira, tenant en main une branche de saule, comme en revenant de la fête des palmes. Lord Byron crut que le dictateur des rois avait abdiqué sa renommée avec son glaive, qu'il allait s'éteindre oublié. Le poète aurait dû savoir que la destinée de Napoléon était une muse, comme toutes les hautes destinées. Cette muse sut changer un dénouement avorté en une péripétie qui renouvelait son héros. La solitude de l'exil et de la tombe de Napoléon a répandu sur une mémoire éclatante une autre sorte de prestige. Alexandre ne mourut point sous les yeux de la Grèce. Il disparut dans les lointains superbes de Babylone. Bonaparte n'est point mort sous les yeux de la France. Il s'est perdu dans les fastueux horizons des zones torrides. Il dort comme un ermite ou comme un paria dans un vallon au bout d'un sentier désert. La grandeur du silence qui le presse égale l'immensité du bruit qui l'environna. Les nations sont absentes, leur foule s'est retirée. L'oiseau des tropiques, attelé, dit Buffon, au char du soleil, se précipite de l'astre de la lumière. Où se repose-t-il aujourd'hui? Il se repose sur des cendres dont le poids a fait pencher le globe. In potsuerunt omnes sibi dia demata post mortem eius et multiplicata sunt mala in terra. Maccabée. Ils prirent tous le diadème après sa mort et les maux se multiplièrent sur la terre. Ce résumé des Maccabées sur Alexandre semble être fait pour Napoléon. Les diadèmes ont été pris et les maux se sont multipliés sur la terre. 20 années se sont à peine écoulées depuis la mort de Bonaparte, et déjà la monarchie française et la monarchie espagnole ne sont plus. La carte du monde a changé, il a fallu apprendre une géographie nouvelle. Séparés de leurs légitimes souverains, des peuples ont été jetés à des souverains de rencontre. Des acteurs renommés sont descendus de la scène ou sont montés des acteurs sans nom. Les aigles se sont envolés de la cime du Haut-Pin tombé dans la mer, tandis que de frêles coquillages se sont attachés au flanc du tronc encore protecteur. Comme un dernier résultat, tout marche à ses fins. Le terrible esprit de nouveauté qui parcourait le monde, disait l'empereur, et auquel il avait opposé la barre de son génie, reprend son cours. Les institutions du conquérant défaillent. Il sera la dernière des grandes existences individuelles. Rien ne dominera désormais dans les sociétés infimes et nivelées. L'ombre de Napoléon s'élèvera seule à l'extrémité du vieux monde détruit, comme le fantôme du déluge au bord de son abîme. La postérité lointaine découvrira cette ombre par-dessus le gouffre où tomberont des siècles inconnus jusqu'au jour marqué de la renaissance sociale. puisque c'est ma propre vie que j'écris en m'occupant de celle des autres, grandes ou petites, je suis forcé de mêler cette vie aux choses et aux hommes, quand par hasard elle est rappelée. Ai-je traversé d'une traite, sans m'y arrêter jamais, le souvenir du déporté qui, dans sa prison de l'océan, attendait l'exécution de l'arrêt de Dieu ? Non. La paix que Napoléon n'avait pas conclue avec les rois, ses geôliers, il l'avait faite avec moi. J'étais fils de la mer comme lui, ma nativité était du rocher comme la sienne. Je me flatte d'avoir mieux connu Napoléon que ceux qui l'ont vu plus souvent et approché de plus près. Napoléon à Sainte-Hélène, cessant d'avoir à garder contre moi sa colère, avait renoncé à ses inimitiés. Devenu plus juste, à mon tour, j'écrivis dans Le Conservateur cet article. Les peuples ont appelé Bonaparte un fléau, mais les fléaux de Dieu conservent quelque chose de l'éternité et de la grandeur du courroux divin dont ils émanent. Ossa arida, dabo wobi spiritum et viveris. Ossements arides, je vous donnerai mon souffle et vous vivrez. Né dans une île pour aller mourir dans une île, aux limites de trois continents, jeté au milieu des mers où Camoens sembla le prophétiser en y plaçant le génie des tempêtes, Bonaparte ne se peut remuer sur son rocher que nous n'en soyons avertis par une secousse. Un pas du nouvel Adamastor, à l'autre pôle, se fait sentir à celui-ci. Si Napoléon, échappé aux mains de ses geôliers, se retirait aux États-Unis, ses regards attachés sur l'océan suffiraient pour troubler les peuples de l'ancien monde. Sa seule présence sur le rivage américain de l'Atlantique forcerait l'Europe à camper sur le rivage opposé. Cet article parvint à Bonaparte, à Sainte-Hélène. Une main qu'il croyait ennemie versa le dernier baume sur ses blessures et les dit à M. de Montholon « Si, en 1814 et en 1815, la confiance royale n'avait point été placée dans des hommes dont l'âme était détrempée par des circonstances trop fortes, ou qui, renégats à leur patrie, ne voient de salut et de gloire pour le trône de leur maître que dans le joug de la Sainte Alliance, si le duc de Richelieu, dont l'ambition fut de délivrer son pays de la présence des baïonnettes étrangères, si Chateaubriand, qui venait de rendre à Gand d'éminents services, avait eu la direction des affaires, la France serait sortie puissante et redoutée de ces deux grandes crises nationales. Chateaubriand a reçu de la nature le feu sacré. Ses ouvrages l'attestent. Son style n'est pas celui de Racine, c'est celui du prophète. Si jamais il arrive au timon des affaires, il est possible que Chateaubriand s'égare. Tant d'autres y ont trouvé leur perte. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qui est grand et national doit convenir à son génie et qu'il eût repoussé avec indignation ces actes infamants de l'administration d'alors. Telles ont été mes dernières relations avec Bonaparte. Pourquoi ne conviendrais-je pas que ce jugement chatouille de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse ? Bien de petits hommes à qui j'ai rendu de grands services ne m'ont pas jugé si favorablement que le géant dont j'avais osé attaquer la puissance. Tandis que le monde napoléonien s'effaçait, je manquerais des lieux où Napoléon lui-même s'était évanoui. Le tombeau de Sainte-Hélène a déjà usé un des saules ses contemporains. L'arbre décrépit est tombé et mutilé chaque jour par les pèlerins. La sépulture est entourée d'un grillage en fonte. Trois dalles sont posées transversalement sur la fosse. Quelques iris croissent aux pieds et à la tête. La fontaine de la vallée coule encore là où des jours prodigieux se sont taris. Des voyageurs apportés par la tempête croient devoir consigner leur obscurité à la sépulture éclatante. Une vieille s'est établie auprès et vit de l'ombre d'un souvenir. Un invalide fait sentinelle dans une guérite. Le vieux Longwood, à 200 pas du nouveau, est abandonné. À travers un enclos rempli de fumier, on arrive à une écurie. Elle servait de chambre à coucher à Bonaparte. Un nègre vous montre une espèce de couloir occupé par un moulin à bras et vous dit « Here, he dead », ici, il mourut. La chambre où Napoléon reçut le jour n'était vraisemblablement ni plus grande ni plus riche. Au nouveau Longwood Plantation House, chez le gouverneur, on voit le duc de Wellington en peinture et les tableaux de ses batailles. Une armoire vitrée renferme un morceau de l'arbre près duquel se trouvait le général anglais à Waterloo. Cette relique est placée entre une branche d'olivier cueillie au jardin des olives et des ornements de sauvages de la mer du Sud. Bizarre association des abuseurs des vagues. Inutilement, le vainqueur veut ici se substituer au vaincu, sous la protection d'un rameau de la Terre Sainte et du souvenir de Cook. Il suffit qu'on retrouve à Sainte-Hélène la solitude, l'océan et Napoléon. Si l'on recherchait l'histoire de la transformation des bords illustrés par des tombeaux, des berceaux, des palais, quelle variété de choses et de destinées ne verrait-on pas, puisque de si étranges métamorphoses s'opèrent jusque dans les habitations obscures auxquelles sont attachées nos chétives vies. Dans quelle hutte naquit Clovis? Dans quel chariot Attila reçut-il le jour? Quel torrent couvre la sépulture d'Alaric? Quel chacal occupe la place du cercueil en or ou en cristal d'Alexandre? Combien de fois ces poussières ont-elles changé de place? Et tous ces mausolées de l'Égypte et des Indes, à qui appartiennent-ils? Dieu seul connaît la cause de ces mutations liées à des mystères de l'avenir. Il est pour les hommes des vérités cachées dans la profondeur du temps. Elles ne se manifestent qu'à l'aide des siècles, comme il y a des étoiles si éloignées de la terre que leur lumière n'est pas encore parvenue jusqu'à nous. Mais tandis que j'écrivais ceci, le temps a marché. Il a produit un événement qui aurait de la grandeur si les événements ne tombaient aujourd'hui dans la boue. On a redemandé à Londres la dépouille de Bonaparte. La demande a été accueillie. Qu'importe à l'Angleterre de vieux ossements? Elle nous fera tant que nous voudrons de ces sortes de présents. Les dépouilles de Napoléon nous sont revenues au moment de notre humiliation. Elles auraient pu subir le droit de visite, mais l'étranger s'est montré facile, il a donné un laissez-passer aux cendres. La translation des restes de Napoléon est une faute contre la renommée. Une sépulture à Paris ne vaudra jamais la vallée de Slaine. Qui voudrait voir Pompée ailleurs que dans le sillon de sable élevé par un pauvre affranchi aidé d'un vieux légionnaire? Que ferons-nous de ces magnifiques reliques au milieu de nos misères? Le granit le plus dur représentera-t-il la pérennité des œuvres de Bonaparte? Encore si nous possédions un Michel-Ange pour sculpter la statue funèbre, comment façonnera-t-on le monument? Aux petits hommes des mausolées, aux grands hommes, une pierre et un nom. Du moins, si on avait suspendu le cercueil au couronnement de l'Arc de Triomphe, si les nations avaient aperçu de loin leur maître porté sur les épaules de ses victoires, l'urne de Trajan n'était-elle pas placée à Rome au haut de sa colonne? Napoléon parmi nous se perdra dans la tourbe de ces va-nu-pieds de mort qui se dérobent en silence. Dieu veuille qu'il ne soit pas exposé aux vicissitudes de nos changements politiques, tout défendu qu'il est par Louis XIV, Vauban et Turenne. Gare ces violations de tombeaux si communes dans notre patrie, qu'un certain côté de la Révolution triomphe et la poussière du conquérant pourra rejoindre les poussières que nos passions ont dispersées. On oubliera le vainqueur des peuples pour ne se souvenir que de l'oppresseur des libertés. Les os de Napoléon ne reproduiront pas son génie, ils enseigneront son despotisme à de médiocres soldats. Quoi qu'il en soit, une frégate a été fournie à un fils de Louis-Philippe. Note, la frégate La Belle Poule, commandée par le prince de Joinville. Fin de note. Un nom cher à nos anciennes victoires maritimes la protégeait sur les flots. Parti de Toulon, où Bonaparte s'était embarqué dans sa puissance pour la conquête de l'Égypte, le nouvel argot est venu à Sainte-Hélène revendiquer le néant. Le sépulcre, avec son silence, continuait à s'élever immobile dans la vallée de Slaine ou du Géranium. Des deux seuls pleureurs, l'un était tombé. Lady Dallas, femme d'un gouverneur de l'île, avait fait planter en remplacement de l'arbre des faillis 18 jeunes saules et 34 cyprès. La source, toujours là, coulait, comme quand Napoléon en buvait l'eau. Pendant toute une nuit, sous la conduite d'un capitaine anglais nommé Alexander, on a travaillé à percer le monument. Les quatre cercueils emboîtés les uns dans les autres, le cercueil d'acajou, le cercueil de plomb, le second cercueil d'acajou ou de bois des îles et le cercueil de fer blanc ont été trouvés intacts. On procéda à l'inspection de ces moules de momies sous une tente au milieu d'un cercle d'officiers dont quelques-uns avaient connu Bonaparte. Lorsque la dernière bière fut ouverte, les regards s'y plongèrent. Ils vinrent, dit l'abbé Coquereau, se heurter contre une masse blanchâtre qui couvrait le corps dans toute son étendue. Le docteur Gaillard, la touchant, reconnut un coussin de satin blanc qui garnissait à l'intérieur la paroi supérieure du cercueil. Il s'était détaché et enveloppait la dépouille comme un linceul. Tout le corps paraissait couvert comme d'une mousse légère. On eût dit que nous l'apercevions à travers un nuage diaphane. C'était bien sa tête, un oreiller l'exhaussait un peu. Son large front, ses yeux dont les orbites se dessinaient sous les paupières, garnis encore de quelques cils, ses joues étaient bouffies, son nez seul avait souffert, sa bouche entr'ouverte laissait apercevoir trois dents d'une grande blancheur. Sur son menton se distinguait parfaitement l'empreinte de la barbe. Ses deux mains surtout paraissaient appartenir à quelqu'un de respirant encore, tant elles étaient vives de ton et de coloris. L'une d'elles, la main gauche, était un peu plus élevée que la droite. Ses ongles avaient poussé après la mort, ils étaient longs et blancs. Une de ses bottes était décousue et laissait passer quatre doigts de ses pieds d'un blanc mat. Qu'est-ce qui a frappé les nécrobies ? L'inanité des choses terrestres ? La vanité de l'homme ? Non, la beauté du mort. Ses ongles seulement s'étaient allongés pour déchirer, je présume, ce qui restait de liberté au monde. Ses pieds, rendus à l'humilité, ne s'appuyaient plus sur des coussins de diadème, ils reposaient, nus, dans leur poussière. Le fils de Condé était aussi habillé dans le fossé de Vincennes. Cependant, Napoléon, si bien conservé, était arrivé tout juste à ses trois dents que les balles avaient laissées à la mâchoire du duc d'Enghien. L'astre éclipsé à Sainte-Hélène a reparu à la grande joie des peuples. L'univers a revu Napoléon. Napoléon n'a point revu l'univers. Les cendres vagabondes du conquérant ont été regardées par les mêmes étoiles qui le guidèrent à son exil. Bonaparte a passé par le tombeau, comme il a passé partout, sans s'y arrêter. Débarqué au Havre, le cadavre est arrivé à l'Arc de Triomphe, dès sous lequel le soleil montre son front à certains jours de l'année. Depuis cet arc jusqu'aux Invalides, on n'a plus rencontré que des colonnes de planches, des bustes de plâtre, une statue du grand Condé, hideuse bouillie qui pleurait, des obélisques de sapin remémoratifs de la vie indestructible du vainqueur. Un froid rigoureux faisait tomber les généraux autour du char funèbre, comme dans la retraite de Moscou. Rien n'était beau, hormis le bateau de deuil qui avait porté en silence sur la Seine Napoléon et un crucifix. Privé de son catafalque de rochers, Napoléon est venu s'ensevelir dans les immondices de Paris. Au lieu de vaisseaux qui saluaient le nouvel Hercule, consumé sur le mont Oeta, les blanchisseuses de Vaugirard rôderont alentour avec des invalides inconnus à la grande armée. Pour préluder à cette impuissance, de petits hommes n'ont rien pu imaginer de mieux qu'un salon de Curtius en plein vent. Après quelques jours de pluie, il n'est demeuré de ces décorations que des bribes crottées. Quoi qu'on fasse, on verra toujours au milieu des mers le vrai sépulcre du triomphateur. À nous le corps, à Sainte-Hélène, la vie immortelle. Napoléon a clos l'ère du passé. Il a fait la guerre trop grande pour qu'elle revienne de manière à intéresser l'espèce humaine. Il a tiré impétueusement sur ses talons les portes du temple de Janus, et il a entassé derrière ses portes des monceaux de cadavres afin qu'elles ne se puissent rouvrir. En Europe, je suis allé visiter les lieux où Bonaparte aborda après avoir rompu son banc à l'île d'Elbe. Je descendis à l'auberge de Cannes au moment même que le canon tirait en commémoration du 29 juillet, un de ces résultats de l'incursion de l'empereur, non sans doute prévu par lui. La nuit était close quand j'arrivai au golfe Juan. Je mis pied à terre à une maison isolée au bord de la grande route. Jacquemin, potier et aubergiste, propriétaire de cette maison, me mena à la mer. Nous prîmes des chemins creux entre des oliviers sous lesquels Bonaparte avait bivouaqué. Jacquemin lui-même l'avait reçu et me conduisait. À gauche du sentier de traverse s'élevait une espèce de hangar. Napoléon, qui envahissait seul la France, avait déposé dans ce hangar les effets de son débarquement. Parvenu à la grève, je vis une mer calme que ne ridait pas le plus petit souffle. La lame, mince comme une gaze, se déroulait sur le sablon sans bruit et sans écume. Un ciel émerveillable, tout resplendissant de constellations, couronnait ma tête. Le croissant de la lune s'abaissa bientôt et se cacha derrière une montagne. Il n'y avait dans le golfe qu'une seule barque à l'ancre et deux bateaux. À gauche, on apercevait le phare d'Antibes, à droite, les îles de Lérins. Devant moi, la haute mer s'ouvrait au midi vers cette Rome où Bonaparte m'avait d'abord envoyé. Les îles de Lérins, aujourd'hui île Sainte-Marguerite, reçurent autrefois quelques chrétiens fuyant devant les barbares. Saint Honorat, venant de Hongrie, aborda l'un de ses écueils. Il monta sur un palmier, fit le signe de la croix, tous les serpents expirèrent, c'est-à-dire le paganisme disparut et la nouvelle civilisation naquit dans l'Occident. 1400 ans après, Bonaparte vint terminer cette civilisation dans les lieux où le saint l'avait commencée. Le dernier solitaire de ses lords fut le masque de fer, si le masque de fer est une réalité. Du silence du golfe Juan, de la paix des îles aux anciens anachorètes, sortit le bruit de Waterloo qui traversa l'Atlantique et vint expirer à Sainte-Hélène. Entre les souvenirs de deux sociétés, entre un monde éteint et un monde prêt à s'éteindre, la nuit, au bord abandonné de ces marines, on peut supposer ce que je sentis. Je quittai la plage dans une espèce de consternation religieuse, laissant le flot passer et repasser, sans l'effacer, sur la trace de l'avant-dernier pas de Napoléon. À la fin de chaque grande époque, on entend quelques voix dolentes des regrets du passé et qui sonnent le couvre-feu. Ainsi gémirent ceux qui virent disparaître Charlemagne, Saint-Louis, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Que ne pourrais-je pas dire à mon tour, témoin oculaire que je suis de deux ou trois mondes écoulés? Quand on a rencontré comme moi Washington et Bonaparte, que reste-t-il à regarder derrière la charrue du Cincinnatus américain et la tombe de Sainte-Hélène? Pourquoi ai-je survécu au siècle et aux hommes à qui j'appartenais par la date de ma vie? Pourquoi ne suis-je pas tombé avec mes contemporains, les derniers d'une race épuisée? Pourquoi suis-je demeuré seul à chercher leurs os dans les ténèbres et la poussière d'une catacombe remplie? Je me décourage de durer. Oh, si du moins j'avais l'insouciance d'un de ces vieux Arabes de rivage que j'ai rencontrés en Afrique. Assis, les jambes croisées sur une petite natte de corde, la tête enveloppée dans leur burnous, ils perdent leurs dernières heures à suivre des yeux, parmi l'azur du ciel, le beau phénicoptère qui vole le long des ruines de Carthage. Bercés du murmure de la vague, ils s'entroublient leur existence et chantent à voix basse une chanson de la mer. Ils vont mourir. Fin de la section 22.